Pour la première fois cette année au Québec, le mois de mai en entier a été consacré celui du commerce équitable. Auparavant, seules les deux premières semaines du mois étaient dédiées à cette activité. Les deux semaines supplémentaires permettront de sensibiliser davantage les consommateurs québécois au travail de milliers de travailleurs du Sud. Une bonne partie des Canadiens semblerait déjà l'être. Alors, la croissance des ventes des produits certifiés équitables au Canada est là pour en témoigner. Alors, selon Fairtrade Canada, le commerce équitable représentait en 2012 des ventes de 253 millions de dollars au Canada avec une offre contenant plus de 5000 produits différents. Alors ce soir, Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire est avec nous pour nous en parler et pour nous parler plus particulièrement du chocolat Bean to Bar. Bonjour Geneviève. Bonsoir François. Alors tout d'abord Geneviève, explique-nous ce qu'on entend par le commerce équitable. Oui, en fait, c'est en 2001. Il y a quatre des plus grandes organisations internationales du commerce équitable qui ont proposé une définition complète du commerce équitable. Donc, permettez-moi de vous la citer. Oui. Alors, le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Le commerce équitable est aussi contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Et les organisations du commerce équitable, qui sont soutenues évidemment par les consommateurs, s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne pour des changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. Donc, de cette grande définition découlent plusieurs principes du commerce équitable. Est-ce que tu veux nous parler du tout premier? Oui. Donc, le tout premier, c'est celui du juste prix. Donc, le producteur va recevoir un juste prix pour le produit qu'il vend. Et ce prix-là va couvrir au minimum tous les frais de production. Et le produit va être vendu à un prix minimum fixe qui est bien souvent supérieur au marché conventionnel. Et à ce prix-là, s'ajoute une prime du commerce équitable. Donc, il va aller directement à la coopérative dans laquelle le producteur est membre pour la mise sur pied de divers projets liés à l'amélioration de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'économie sociale. Donc, ce juste prix contribue au développement local des communautés du Sud. Oui, sans aucun doute. Et ce réinvestissement est capital pour ces collectivités-là qui voient finalement leur qualité de vie nettement améliorée avec le commerce équitable. C'est certain, ça. Oui. Et donc, ce qui m'amène à vous parler du deuxième principe. Donc, le commerce équitable est un commerce plus direct entre l'importateur et le producteur. Donc, l'importateur du Nord va acheter directement son produit au producteur du Sud ou à une coopérative dans laquelle le producteur est membre. Et cette façon de faire crée une certaine relation commerciale à échelle un peu plus humaine parce qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire entre le producteur et l'importateur. Et l'importateur aussi va s'engager à être un constant dans ses ventes à long terme. Donc, ce qu'on peut appeler un peu une relation stable et durable. Donc, moins on retient que moins d'intervenants, effectivement. Exactement. C'est ça. Alors, tu parlais plutôt que les producteurs se regroupent la plupart du temps pour former une coopérative. Il doit bien y avoir des avantages à cette pratique? Oui, certainement. Une coopérative est avant tout une organisation qui est démocratique et transparente auprès de ses membres. Donc, tous les membres participent aux décisions, donc ce qui favorise une certaine égalité sociale, mais également une égalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est important. Ce qui est important, très important. Et la coopérative va s'assurer également de meilleures conditions de travail et le respect des droits pour ces travailleurs qui font partie de la coopérative. Et un avantage aussi, c'est que les coopératives peuvent avoir accès à du crédit, qu'elles vont emprunter à faible taux d'intérêt. Donc, les producteurs membres en sont gagnants parce qu'ils peuvent finalement avoir payé à l'avance le nécessaire pour leur culture qui va venir par la suite. Mm-hmm. Alors maintenant que l'on sait ce que signifie le commerce équitable, c'est-à-dire un commerce qui se fait avec certaines valeurs finalement, oui, comment savoir si un produit est bel et bien équitable? Oui, en fait, contrairement au terme biologique, le terme équitable, ce n'est pas une appellation qui est contrôlée au Canada. Donc, il n'y a aucune loi canadienne qui va régir l'utilisation de ce terme-là sur les produits qui sont vendus au Canada. Donc, ça, ce que ça veut dire un peu, c'est que c'est n'importe qui pourra poser. Exactement. Mm-hmm. N'importe qui pourra poser ce terme-là sur leurs produits. Alors, vous comprendrez que la simple mention du mot équitable sur un produit, ce n'est pas un gage vraiment d'équité. Tout à fait. Donc, on va plutôt se fier au port d'un logo qui est reconnu, qui va certifier que le produit est bel et bien équitable. Ah bon, donc il existe un logo. Il n'y a pas de mention, mais le logo, lui, est fiable. Le logo est fiable, il y en existe plusieurs, pas simplement un, mais plusieurs. OK. Alors, si tu nous glissais un petit mot, justement, sur tous ces logos? Oui, en fait, ils ont tous leurs particularités, mais il faut savoir que chaque certification va établir des critères sociaux, environnementaux et relationnels. Donc, pour bien analyser un logo, il faut d'abord tenir compte de l'organisme de certification qui va le délivrer. Uh-huh. Donc, c'est cet organisme-là qui va élaborer un référentiel, donc ce qui est en fait une liste des points à respecter pour obtenir la certification. Et d'ailleurs, à cet effet, ce qui est intéressant, c'est qu'Équiterre, en 2010, a élaboré un tout petit guide qui s'intitule « L'éthique derrière l'étiquette ». Alors, vous pouvez vous le procurer gratuitement sur le site Internet. Ce qui est le fun, c'est qu'il s'imprime, puis c'est un petit format qui se glisse là, finalement dans notre portefeuille. Donc, on peut l'avoir en tout temps et s'assurer que le produit qu'on a devant nous est vrai. À l'épicerie, par exemple. Exactement, là, un logo reconnu comme étant équitable. Et quels sont les produits équitables que l'on retrouve au Canada ou au Québec, Geneviève? Oui, en fait, de façon générale, au Canada, on connaît bien le café, hein, qui est bien connu de la plupart des amateurs, et ça depuis 1998. C'est bon. Oui, vraiment. Et en plus du café, ben, on retrouve entre autres, en ordre d'année d'introduction au Canada, on a le thé, le cacao, la banane, la confection de ballons de soccer, ce qui m'a étonnée parce que je n'étais pas au courant. Les fleurs coupées, le riz, le quinoa, et finalement, il y aurait le sucre, le coton, les épices, le vin et le beurre de karité. Donc, quand même, on a quand même plusieurs produits, là. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que je suis une amoureuse du chocolat, mais ce produit m'interpelle particulièrement. Récemment, j'ai découvert le chocolat Bean to Bar, qui me rappelle drôlement les principes là, qui sont sous-jacents au commerce équitable. Je ne sais pas si tu connais ce chocolat, François. Je t'avoue que je ne le savais pas du tout avant que tu m'en parles. Oui, en fait, le chocolat Bean to Bar peut se traduire en français « de la fève à la tablette ». Oui, tout à fait. Donc, le chocolatier, donc celui qui fait le chocolat, va transformer lui-même les fèves de cacao qui sont non torréfiées en chocolat. Okay. Alors, plutôt que d'utiliser le chocolat de couverture comme... la plupart des chocolatiers, donc le chocolat de couverture, en fait, c'est un mélange que le chocolatier va acheter et ça va comprendre du cacao, du beurre de cacao et du sucre. Donc, ce qu'on comprend dans ce principe-là, c'est que le chocolatier va aller acheter directement ses fèves de cacao auprès du producteur. Et là, il va se développer une certaine relation de confiance à long terme et l'acheteur va redonner un juste prix finalement pour le produit. Et il y a encore moins d'intermédiaires. Il y a aussi pas beaucoup d'intermédiaires. Oui, je comprends le commerce est vraiment direct. Donc, quand on dit moins d'intermédiaires, on dit moins de transport, donc moins de pollution aussi. Exactement. Donc, c'est très avantageux. Et juste à titre comparatif, le chocolat de couverture que je viens de vous parler, utilisé au Québec par la plupart des chocolatiers, va provenir là, des régions d'origine comme l'Amérique latine, le Vietnam ou l'Afrique. Va se faire transformer la plupart du temps en Europe et, bien souvent qu'autrement, il va passer aux États-Unis avant d'arriver au Québec. Donc, ça fait beaucoup de chemin pour finalement faire du chocolat au Québec. Oui, et c'est en fait que nouveau aussi comme phénomène, le chocolat Bean to Bar. En fait, le chocolat Bean to Bar s'observe depuis plus d'une dizaine d'années, mais ce n'est qu'à l'hiver 2014 que la toute première boutique entièrement consacrée au chocolat Bean to Bar a vu le jour là, à Montréal. OK. Et où est-ce qu'on peut se procurer des produits équitables? Oui, mais de façon générale, de plus en plus de commerces vont offrir des produits certifiés équitables. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas tous les commerces qui les offrent. Donc, pour être vraiment certain, sur le site Internet d'Équiterre, vous pouvez retrouver une forme de répertoire des points de vente là, à travers tout le Québec. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais elle permet quand même tout de même d'avoir un petit portrait là, global des commerces là, qui peuvent offrir ces produits-là. Ah ben ça, c'est très bien. Merci Geneviève de nous avoir démontré que les produits en fait, que nous choisissons d'acheter quotidiennement permettent de faire une différence positive dans la vie des milliers de travailleurs qui sont au sud. Oui. Parce qu'après tout, en fait, il ne faut pas l'oublier, acheter, c'est voter. Oui. Merci beaucoup Geneviève. Merci François. On vous revient après la pause musicale avec Jean-Daniel Doucet et Marie-Claude Dionne.